Regarde-moi encore une fois, oui, dis-le-moi une dernière fois, que notre amour s'est envolé vers les méandres du passé, que cette flamme ne brûle plus dans ton cœur et dans tes yeux. Tes yeux, tes yeux. C'est où que moi l'aimer, c'est où que moi d'amour. Comment